Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu t'as piqué comme un musuri, tu as comme si fumé. Comme on nous a dit au début, que chaque mouvement dans un culte est prophétique. Alléluia. Banatuimbia, nirifurahiwa, waliponyambia, twende nyumbani mwa baba. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Qui est dans la joie ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Nous invitons la chorale de Kampumpi. Pendant qu'ils sont en train de s'avancer, nous pouvons les encourager avec les acclamations. Vous avez 7 minutes, faites rapidement. Amen, Église. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Manifestez, Foura, manifestez, Foura. Nous voulons élever notre Dieu pendant que nous chantons. Si vous connaissez la chanson, nous vous invitons de chanter ensemble avec nous. Seigneur. Tu es infini, ma glorie, incomparable, le merveilleux. Tu es infini, ma glorie, Iba, oh, oh, Iba, ah, Iba, oh, fais le bien, oui, Iba, oh, oh, ah. Il est tellement digne, l'agneau immolé, le Dieu tout puissant. Ibao, si tu connais les chants, tu peux faire Ibao, Ibao, Ibao, monte encore, Ibao, monte oui. Toi tu sais satisfaire, c'est lui qui te sert. Oui, l'agneau immolé, c'est lui qui te sert. Papa, tu en es capable. Le Dieu tout puissant, toi tu sais restaurer. C'est lui qui te sert. Tu peux le faire, c'est lui qui te sert. Papa, tu... On peut le faire avec l'église. Toi, tu sais satisfaire. avec l'église, tu sais satisfaire. C'est lui qui te cherche. Oui, c'est lui qui te cherche. C'est lui qui avec l'église, oui, tu en es capable. Papa, fais le bien, c'est Dieu qui en adore ce soir. En toi, tu sais réjouir. Oui, cette prière sera une bénédiction dans ta vie. Tu peux le faire bien. C'est lui qui te montre, oui. Papa, tu en es capable. Hey, toi, tu sais réjouir. C'est lui qui te sert. L'agneau immolé. C'est lui qui te sert. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Hey. Moi je l'aime mais papa me voici. Je l'aime mais papa me voici. Je l'aime mais papa me voici. Je l'aime mais papa me voici. Je l'aime mais papa me voici. Je l'aime mais papa me voici. J'entendis une voix, hey, fais-le bien, hey, qui me dit monte ici. Hey, moi j'ai répondu, papa me voici. Fais-le bien, j'entendis une voix, qui me dit monte ici. Moi j'ai répondu, monte bien. Papa me voici, je l'aime mais papa me voici, je l'aime mais papa me voici, je l'aime mais papa me voici, je l'aime. J'ai envie de dire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Yahweh, tu vas dire Yahweh, Yahweh. En ce lieu nous t'adorons, Dieu tout puissant, l'ancien des jours, Elia Adonai. Yahweh, monte encore. Yahweh. Nous t'adorons ce soir. Fais la bien. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh. Pas qui a peur à vivre. Nous voulons adorer Dieu. Nous voulons louer notre Dieu. Alléluia, amen. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, lélilélélé. Alléluia, amen. Ah, alléluia, amen. Alléluia. Kasi Yesu Moïse la. Yesu la Yesu lilélélé. Solo kumi sa Yesu kumi sa yena, dile alleluia. Yembela yembela Yesu, dile alleluia. Ei mwamba mwamba ni nani? Ei mwamba ni nani? Ei mwamba mwamba ni nani? Ei mwamba ni nani? Retoye mbi ozali zambe, ozali zambe nanga, ozali zambe, ozali zambe, ozali zambe, ozali zambe, Position. Nous voulons danser pour Jésus. Come on. Allez, chouka kiloko. Ah. Allez, chouka kiloko. Chouka kiloko. Chouka kiloko. Chouka kiloko. Parapale. Allez, chouka kiloko. Beta moulolo, moulolo, moulolo. Chesa. Chouka kiloko. Chouka kiloko. Ah. Allez, chouka kiloko. Banda yulu, banda yulu, banda yulu, banda yulu. Banda, banda, banda, banda, banda, banda, banda, banda, banda, banda, banda. Allez, chouka kiloko. Chouka kiloko. Allez, chouka kiloko. Chouka kiloko. Ah, beta moulolo, moulolo, moulolo. Alléluia. Est-ce que nous pouvons les encourager avec les acclamations? Pendant que la chorale de notre église Joli Site s'avance, Tuku n'a pas encouragé Nabo Namikono. Pendant 7 minutes, vous allez aussi louer le Seigneur. Joli Site. Ils ne sont pas encore là. Alléluia. Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux balancer? Est-ce que tu peux balancer? Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la joie ce soir? Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il y a une chanson qui me dit Komona Yesu ele kinyonso. Komona Yesu ele kinyonso. Komona Yesu ele kinyonso. Komona nguyanyo. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Ah, c'est qui? Wapi Mololo. Est-ce qu'il y a des César qui respirent en ces lieux qui puissent louer le roi de gloire? Oh, alléluia. Komona Yesu ele kinyonso. Komona Yesu ele kinyonso. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui donne les enfants stériles. Est-ce qu'il y a une personne qui peut pousser le cri de joie? Oh, alléluia. Komona Yesu ele kinyonso. Komona Yesu ele kinyonso. Oh, alléluia. Ele kinyonso. Komona nguyanyo. Si. Una bakombo nyonso awanase. Ehe. Ona bakombo nyonso awanase lelele. Ah, ye makombo ombo itoko tikana yembela ye. Tikana yembela ye. Oh, awanase lelele. Oh, ye makombo yo kombo itoko. Oh, I wanna say, le le le. Oh, Bakristu to tambola, tambola na Yesu lungo. Oh, Suswe konto tambola, tambola na Yesu lungo. Ah, ye ma tambola. Tambola.

Est-ce qu'on peut bien acclamer ce roi de gloire? Frère, Duku, Mokubwa, Kumwanzo Mirisema, chaque mouvement est prophétique. Il y a de ceux-là à vous comprendre. Vous allez comprendre mana qui kilole. Vous allez comprendre mana kilole qui a pire. Mais après d'autres, on a compris. Est-ce qu'il va tout piquer comme Mina? Oui. Tout chaise comme Mina. Chaque mouvement est prophétique. Tout chaise comme Mungu même pendant 30 secondes. Pas qu'à la discographie calé. Mais on a ça qui est Kokazur. Ah, je le fais pour Jésus. Tigidi, tigidi. Ah, one, two, three. Ah, tigidi, tigidi, tigidi, tigidi. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Amen. Karibu. Grande chorale, pendant qu'ils s'avancent, nous pouvons aussi les encourager avec les acclamations. Vous avez 7 minutes. Ici. Tu peux pousser les cris de joie pour Jésus. Pika ki gele gele. Mokote ako kandina yo. Mokote ako kanina yo, mokote ako kanina yo, Yesu mokote ako kanina yo, mokote ako kanina yo, mokote ako kanina yo, ah Yesu eh. Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa solo azali awa. Yesu azali awa na biso. Yemba ya solo. Yemba aleluya. Aleluya zamba solo mumuwe. Yo zamba la mubona. Yesu azali zela, solo azali zela. Yesu azali zela na bomo. Yesu azali zela, solo azali zela. Yesu azali zela na bomo. Yemba ya solo. Yemba aleluya. Aleluya zamba solo bumuwe. Aleluya. Est-ce que tu es un chien de la Yulu? Tu n'as pas qu'un bébé à Mungu à Mirele? Aïe! Oh, Yesu Azali Zela, Solo Azali Zela. Yesu Azali Zela, Nabomo. Yesu azalizela solo azalizela Yesu azalizela na bombo yemba ya solo Alleluia yemba Alleluia Alleluia Alleluia zamba solo bumwe yemba Alleluia Oye po anjibwe wa misumba anjibwe Wacha majibwe jani jame makwe yeme na Yepo anjibwe, wamisu majibwe Wacha majibwe jani jame makwe yeme na Amona wazabijibwe, Yesu wazabijibwa Chama kanda jibwa jani jame makwe yeme na Yepo anjibwe, Yesu we Wamisu majibwe, Yesu we Wacha majibwe jani jame makwe yeme na Jibwe na kutongo langwali yata jibwe na mana bambula mawe mana waza miji mwada ni jame mawe ye mena Yepo anjibwe Yesu we Wanisu wachibwe Wanchama anjibwe jane jame mawe ye mena Samba kwa ye mena mwana mtu mema nini Yesu jibwa Papa wa ni jibwa dani jame mawe ye mena Yepo anjibwe Wanisu wachibwe Wanchama anjibwe Wajani jame mawe ye mena Yepo anjibwe Wanisu wachibwe Wachama anjibwe Jani jame mawe ye mena Oke mbo ke mbo Kuna na lola ya Yepo aleluya Oke mbo ke mbo ke mbo Kuna na lola ya Yepo aleluya Oke mbo aleluya Yepo aleluya Bombo ile lolo bilipela eh Azali na bombo ile lolo bilipela eh Azali na bombo ile lolo bilipela eh Yesu Azali na bombo ile lolo bilipela eh Alléluia. Alléluia. Donnez-moi J. Donnez-moi J. Donnez-moi E. Donnez-moi S. Donnez-moi U. Donnez-moi S. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus, le roi, le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Tunapenda kuendelea na kusifu Mungu. Pendant que nous invitons la chorale Holy Praise, tunapenda tusifu pamoja. Vous savez, hii rendez-vous ni ya bale batapanda. Alléluia. Kumbi apana kuangalia leo kumpembeni yako. Biblia inasema qui pourra monter Manaye ke Mungu anauliza, nako natafuta, nani atapanda au travers Mulima 30 2025? Qui pourra monter? Mini kwa kwanza. Qui pourra monter? Qui pourra monter? Est-ce que nous pouvons monter ensemble avec Holy Praise? Alors tu n'as peine à tout qu'on acclamer pendant que ma instrument pour na eta riche, mikono yako ni ma instrument pour élever le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus, Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Nous allons faire des choses. Nous allons rendre grâce à Dieu et aussi lui demander que le ciel nous soit ouvert. Dieu est tellement merveilleux. Aujourd'hui, lorsque papa parlait du sang, j'ai pensé à ma transfusion. À ma première grossesse, si maman n'était pas venue, je serais morte. Elle m'a trouvée toute pâle. J'ai beaucoup réfléchi. Je me demande c'est quel sang on m'avait mis. Et une question est revenue dans ma tête. Est-ce que cela met en doute l'amour de Dieu pour moi? Non. Dieu m'aime. Il m'aime. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, moi aussi je t'aime. Parce que tu m'as aimé le premier. Il a un plan pour toi. N'aokoi kofu vata quatre fois. Mais zamba zo bate langai. Ah, définis Dieu par rapport à ta vie. Oui, mon Dieu, il est mon sauveur. Quatre fois césarienne, je n'ai pas honte de le dire. C'est mon histoire. C'est mon histoire avec Dieu. Et c'est sa puissance. Alors j'aimerais que tu te recueilles. Tu dis, Seigneur, je te dis merci pour cette année 2026. Ton robin à la biso, bobang à la binoté. Mais dis à Dieu, je t'aime parce que tu m'as aimé. Mina kupenda juwe unani penda wa kwanza. Ukunani chunga fwa chiyote. Combien de fois tu as fait l'accident? Mais tu sors au travail, bazo kwa ke l'homme basse. Mais aussi mbayote. Ah, zamba zamo nene. Zamba zamo lambu. Bolingo amote manangé. Adore Dieu bien-aimé. Prends du temps pour l'élever, pour le glorifier pour cette année. Oui, j'ai l'habitude de faire un bilan. Je me rends compte que Dieu est bon pour cette année 2025. Glorifie le Seigneur, élève ta voix, n'attends pas qu'on chante. Dis-lui, Seigneur, mina kupenda, tourni penda wa kwanza, uguna teme un ami, même dans les endroits les plus hostiles, tu es avec moi. Seigneur, je te rends grâce. Oui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Naïli Bosoya papa nangai. Kope sa e reconnaissance. Nama soa salelinga. Naïli Bosoya mokeli nanyonso. Koku misaya. Kosanjola ye. Alinga ngaye. Utabo mwana. Chanter avec moi, Bolingwa Motema. En même temps, tu chantes, tu te rappelles de ce que Dieu fait pour toi. Pourquoi il doit te faire tant de bien comme ça? Il y en a qui sont comme toi. Mais pourquoi tu es élevé plus que les autres? Pourquoi il te donne la promotion, Bolingwa Motema? Pourquoi il te donne la bonne santé? Oh, c'est seulement son amour. Bolingo amotema nanga ya ya motema bolingo yo bolingo amotema nanga yo ya motema ya motema. Bien aimé, adore le Seigneur, loue le pendant que nous sommes en arabache. Zambi wa jinanga zambi mufugi wa julu ne buloba. Zambi mukini bantu zambi.

6, que le ciel le s'ouvre. Chukotin, chukotin, chukotin, chukotin, chinitela, chukotin, chinitela, chinitela, chinitela. Pika, pika, la, kele. Bato boti sakanzambe boti sabatu fongola lole toyebisi bato bigi sakabiki sa fongola lole. Nous sommes arrivés à un moment, nous chanterons, les gens vont guérir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Acclame pour le Seigneur. Jésus, gloire au Seigneur. Miranza kutafuta muntu moya. Depuis Turianza culte, mina mutafuta, mina angaria, mina tafuta. Kumbiasha kuingia kazamani. Nous voulons monter dans quelques minutes. Alléluia. Parce que nous tous, nous sommes là, pas comme des spectateurs. Obambio le kumpembeni akwasema huko kuna ba spectateurs. Nous tous, nous devons participer à la louange du roi des rois. Pendant que nous invitons la sœur Big Marlène, est-ce que nous pouvons l'encourager pendant qu'elle avance? Big Marlène, la Big de Jésus. Gloire. Ah, Kunegalana ba Big Badada, quoi. Elle est là. La Big délicatie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ah ah. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir que à la descente, il y a Moulima 30, il va expérimenter un miracle dans sa vie? Ah ah, ton amen est en train de m'étonner. L'amen de quelqu'un qui va vivre la guérison. L'amen de quelqu'un qui va vivre un miracle, ce n'est pas... Aïna, il est amen. Est-ce qu'on peut dire amen? J'aimerais que pendant un moment, que nous puissions acclamer le Seigneur. Non, non, je n'ai pas dit moi. Est-ce qu'on peut bien le faire pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux bien acclamer pour celui qui a fait à ce que tu sois ici? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui va te donner la délivrance? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui te donne la délivrance? La Bible déclare que vous élèverez le Fils de l'homme et vous connaîtrez qui il est. Alors ce soir, j'aimerais qu'on élève le Seigneur par les acclamations. Est-ce que tu acclames le Seigneur, tu pousses les cris de joie? On va faire un chant ensemble. Qui dit Liboso ya kiti na yo Toye komi bwaka tata Pekati na kembo na yo. Tu fais bien de chanter. Nanye Même les sorciers de ta famille Ce soir, il te lâche au nom de Jésus. Liboso ya kitinayo, est-ce que tu chantes? De la même manière que tu chantes, le ciel s'ouvre et les chaînes tombent. Toye, anyako telema. Personne, Seigneur. Est-ce que tu le fais encore bien ce soir? Libosoe. Erama soutenir de grâce. Eramani a soupéré de béchata. Naniako. Karamanou chete de bédégesh. Karamakoutali amane fasata. Kariamanou chanda la baba basa. Le vrai amour, c'est Jésus. Sur ta vie ce soir. Ah. Ah. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Yemba Yahweh. Oh l'amour boyo. Oh Mela. Yeah. Merci Seigneur. merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, sœur Big Marlène, nous acclamons pour la sœur. Gloire à Jésus. Ma acclamation tout la fagna de Dieu à sœur Big Marlène. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Aujourd'hui nous sommes le 23 novembre. Il ne nous reste que combien de jours pour que l'année se termine 2025. Dieu a fait autant de choses pour toi depuis le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, jusqu'à ce jour, Dieu continue à faire des choses. Alors, tout à l'heure, pour Dieu, simplement merci par les acclamations. Lui dire, Seigneur, tu mérites Jésus. Oh, tu mérites, Seigneur. Tu mérites Jésus. Tu mérites, Seigneur. Alléluia. Et sous vos acclamations, nous invitons l'hôte de la manifestation, le pasteur Désiré. Pendant qu'il monte, nous acclamons encore une fois le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen. Je pense que pour que nous soyons beaucoup plus libre dans le programme et ne pas mettre trop de pression sur l'orateur, j'aimerais qu'on passe aux offrandes maintenant. Et après, je reviens pour accueillir les invités, les visiteurs et introduire l'orateur pour la suite. Alors, oui, la chorale. Nous allons prier, prépare ton offrande. Chaque fois que l'homme a marché avec Dieu, Dieu lui a demandé de les rencontrer à travers les offrandes. L'offrande est un culte, l'offrande est une adoration. C'est une adoration. Chaque fois que tu offres, comprends que tu es en train d'adorer le Seigneur. On a vu avec Abraham, Dieu lui a demandé Isaac pour adorer. Il dit, vous irez m'adorer. Et il a compris qu'il fallait faire des offrandes. Alors nous voulons offrir avec joie et en adorant le Seigneur pendant que la chorale nous accompagne. Comme ça, nous pouvons continuer le reste du programme sans trop de contraintes. Le protocole va nous aider rapidement et la chorale nous accompagne. Oh, Seigneur, Père, nous bénissons ces offrandes que nous recommandons entre tes mains. Bénis tout celui qui t'a adoré avec ces offrandes. Merci parce que notre adoration monte jusque vers toi. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que tu vas te souvenir d'eux dans leur travail, dans leur vie, dans leur maison, dans tout ce qui est attaché à eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je voulais laisser voir nos visiteurs, quelques-uns, selon que j'ai la liste. Si on a oublié par hasard, il faut toujours nous faire signe et que mon protocole se charge vraiment de n'oublier personne. Je voulais d'abord recevoir le couple du pasteur Élisée qui est là, que je vois avec son épouse. Est-ce qu'ils peuvent s'élever? On peut les saluer. Que Dieu vous bénisse, pasteur et maman. Maman Sylvie et maman pasteur Mabanza qui est là, le pasteur est souffrant. Est-ce qu'on peut l'accueillir aussi? Que Dieu vous bénisse. Je vais recevoir une maman que j'aime beaucoup. Maman Marie, Karibu Sana. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut l'accueillir? Ah, maman Marie me fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Et je bénis le Seigneur de nous donner des modèles comme ça pour l'église de Likasi et pour l'église corps de Christ. Alléluia. Je bénis un homme de Dieu, le BU, M. Tibangu Simon. Il peut s'élever, nous pouvons le saluer. Je crois vraiment, j'ai dit un homme de Dieu, je vois que c'est vraiment un homme de Dieu. Depuis que je l'ai connu, j'ai beaucoup d'exemples avec lui. Et je bénis le Seigneur pour lui. Il a beaucoup de charges, mais il se dérange toujours pour répondre à nos invitations. Et que Dieu le bénisse, que Dieu se souvienne de tous ses enfants et de toute sa famille. Je vois le couple du pasteur Abdon. Abdon Numbi et maman Esther qui sont là. Est-ce qu'ils peuvent s'élever? Nous voulons les saluer aussi. Je vois le pasteur Grégoire qui représente le pasteur Katuila. Il peut s'élever, nous pouvons le saluer aussi. Que Dieu vous bénisse, pasteur Grégoire. Je vois le pasteur Agai Manda qui est là. Est-ce qu'il peut s'élever? On a confondu le nom de pasteur Manda. Non, ce n'est pas lui. Je vois le pasteur Emma et maman et le bébé. Hey. Que Dieu vous bénisse. Même le bébé est venu. Quand il m'a dit que maman s'est accouchée, j'ai dit que non, on va venir. Mais comme on a tellement traîné, le bébé est carrément venu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut les encourager? Les encourager. Papa Joseph et maman Léonie. Je ne sais même pas comment je vais les présenter. Est-ce qu'ils peuvent s'élever, le pasteur Congolo et maman Léonie? Oh, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ceux qui étaient avec nous à la consécration. Et depuis lors, ils me font beaucoup de bien. Quand je vais chez eux, je suis chez moi. Et même à la maison, et même à l'église. J'ai vu Big Marlène trembler. J'ai dit non, non, calme-toi. Je vais appeler papa. Je vais parler avec papa, on va régler le problème. Il est le pasteur de JTL. Et il fait un grand travail. Nous bénissons le Seigneur. Merci papa, merci moi Léonie. Ils peuvent s'asseoir. On peut les encourager. Papa Didier et maman Cécile. Le pasteur Didier et maman Cécile qui sont là, que je vois. Est-ce qu'ils peuvent s'élever? On peut les saluer aussi. Oh, que Dieu vous bénisse. Lui, c'est un ami, c'est un frère. Je ne dois pas faire beaucoup de commentaires seulement. Que Dieu vous bénisse, pasteur. À côté de lui, je vois papa Piero Bukonda. Il peut s'élever aussi, nous voulons le saluer. Que Dieu vous bénisse. Ancien Moussankata. Il est là. Il est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Je vois aussi l'ancien Louawa. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Il est de Kamatanda. L'ancien Kabonzo. Il est là. On peut acclamer le Seigneur aussi pour lui. Et l'ancien Émile Kalamba. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Voilà les quelques noms que j'ai. Je ne sais pas si c'est votre première fois d'être là. Levez seulement la main, nous allons vous accueillir. Vous pouvez vous lever. Est-ce qu'on peut accueillir notre visiteur? Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. On est dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Qui d'autre est là? Peut-être le protocole ne vous a pas vu. Mais Dieu vous a vu, soyez sûr. Le protocole, c'est le protocole des hommes. C'est pourquoi nous aimons le Seigneur. Dieu vous a vu. Bon, je vais recevoir aussi maman pasteur, maman Elvire, Mamina. Elle peut s'élever aussi, nous allons l'accueillir. Alléluia. Je bénis le Seigneur aussi pour mon épouse. Et c'est toujours bien d'être marié, je vous dis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, Mamina. Je suis dans la joie. Merci pour ta présence dans notre vie. Amen. Moulima 30, 2025. Je ne sais même pas si je dois dire un mot, si je dois lire, si je dois ce que je vais dire. hommes de Dieu, chers frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu et toute l'église, shalom. Shalom encore. Aujourd'hui, c'est le 23 novembre 2025. C'est le jour où nous commençons notre programme de Moulima 30, édition 2025. Une année n'a pas seulement un début, n'a pas seulement une introduction, elle a une fin, elle a aussi une conclusion. Alléluia. Souvent, il faut toujours bien conclure les choses pour bien démarrer les autres choses. Et c'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur depuis un temps, depuis 2022, de commencer ce programme de prière en fin d'année que nous appelons Moulima 30. Pourquoi nous disons Moulima? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a beaucoup de lieux de ressourcement dans la vie. Depuis les patriarches jusqu'à maintenant, chacun a son lieu où il est sûr que je peux aller là-bas et me ressourcer. Et en parcourant la Bible, nous voyons le désert qui est aussi un lieu de rafraîchissement. Nous voyons des endroits retirés. Mais souvent, nous voyons la montagne. Moïse l'a fait. Abraham l'a fait. Jésus d'ailleurs l'a fait plusieurs fois. Si je ne dois citer que cela. Donc, il s'est retiré souvent dans les montagnes pour prier, pour se ressourcer. Et c'est pourquoi nous avons donné le nom de Moulima à ce programme. Nous croyons que c'est un temps de ressourcement. Et nous encourageons l'Église. Nous vous encourageons. De passer vraiment ce moment dans la prière pour terminer l'année, pour écouter le Seigneur, pour planifier l'année prochaine, pour préparer sa vie. Parce qu'il faut être prêt chaque jour. Il faut être prêt à chaque instant. Et nous bénissons le Seigneur pour le moment d'enseignement que nous aurons en ce lieu, pour le moment de prière que nous aurons en ces lieux, pour le moment de louange et d'adoration que nous aurons en ces lieux. Alors si vous avez le temps pendant 40 jours, jour pour jour, ne ratez pas. Nous commençons aujourd'hui le dimanche après-midi et déjà demain à partir de 16h30, nous serons là tous les jours de 16h30 à 19h. Et samedi matin, on a fait un programme spécial qui est ouvert à toutes les églises, à tous les serviteurs. Ça sera un masterclass de 9h à 11h. Et nous avons 6 orateurs qui vont intervenir du 23 au 28 décembre. Tantôt, je vais vous convier de suivre la liste de tous les orateurs. Tous, ce sont des très bons serviteurs de Dieu. Et Dieu qui nous les a mis à cœur pour cette édition, il sait pourquoi. Donc samedi, on prendra 2 heures, de 9h à 11h pour un enseignement, chacun sur un thème spécifique. Nous voulons prier, Nous voulons être enseignés et nous voulons avancer. Parce que tel pense un homme, tel il est. La pensée est très importante. Celui qui contrôle ta pensée, il contrôle en fait ta vie. C'est pourquoi nous avons prévu cette année de façon exceptionnelle qu'il y ait cette classe-là le matin, le samedi. Et après, nous donnerons des brevets de participation à la formation par thème chaque samedi jusqu'au le samedi 27 décembre. Donc, nous vous prions de disposer votre programme et d'être là, si pas chaque jour, mais aussi le samedi pour écouter les enseignements et être formé dans la vie chrétienne. Voilà notre programme de Moulima 30. Avant de continuer, j'aimerais qu'on nous présente d'abord le programme des orateurs. Veuillez suivre tous les orateurs qui vont travailler pendant le Moulima 30. Et je suis convaincu que Dieu vous bénira. Alors je demande à la technique, si elle est prête, de nous balancer le speech pour que nous prenions connaissance des orateurs qui vont travailler dans ce programme. La technique. Un temps exceptionnel de grâce et de transformation. Moulima 30, un rendez-vous avec Dieu. Un temps fort de jeûne et de prière. Un temps qui bénit la vie de tous ceux qui cherchent ardemment la face de Dieu. Nous avons la grâce d'accueillir d'éminents hommes de Dieu. Le pasteur Trésor Famoine, l'apôtre Hippolyte Ferro, l'apôtre Samuel Lund, le docteur David Kateba, le docteur David Kateba, Samuel Lund. La technique reste la technique. C'est pourquoi je pense que Dieu a trouvé une autre solution au ciel. Et aujourd'hui, du 23 au 30 novembre, c'est le pasteur Trésor Fambami de Philadelphie, Kitambo. C'est lui qui va introduire, celui qui va nous parler. J'ai découvert un homme de Dieu extraordinaire. Et bien aimé, le Seigneur a des grâces. Et il fait un très bon travail. Et je bénis le Seigneur pour cela. C'est lui qui va commencer le programme aujourd'hui. Toute la semaine et samedi matin. Pour conclure le dimanche, le matin cette fois-là. Après lui, il y a le pasteur Hippolyte qui vient de France. Il arrive le lundi et commence le travail le lundi. Il fait un très bon travail. C'est aussi un homme de Dieu extraordinaire que le Seigneur continue à utiliser dans son œuvre. Et nous bénissons le Seigneur pour sa disponibilité. Et il sera là à partir du 1er décembre. Après lui, ça sera le docteur Luc Muteba, qui est de Lubumbashi. Il sera au milieu de nous. Il va prendre toute une semaine. Il va prendre toute une semaine. Après le révérend Luc, ce sera le docteur David Kateba. qui va prendre du 15 au 21 et du 22 au 28, on va terminer avec l'apôtre Samuel de Dar es Salaam, de Tanzanie. Voilà tous les orateurs qui vont travailler avec nous pendant ce programme de Mulima 30. Nous prions le Seigneur pour que vous choisissiez, vous disposiez vos agendas, vos programmes. Dans la vie, parfois, il faut savoir s'arrêter. C'est très important. Ok, je vois que la technique est maintenant prête. On y va. Augmentez le volume. L'église source féconde vous invite à un temps exceptionnel de grâce de Dieu. Le pasteur Christophe Fonman, l'apôtre Hippolyphéo, l'apôtre Samuel Moud, l'auteur David Adéba, l'auteur Luc Moutéba. L'église source féconde vous invite à un temps exceptionnel de grâce et de transformation. Mulima 30, un rendez-vous avec Dieu, un temps fort de jeûne et de prière, un temps qui bénit la vie de tous ceux qui cherchent ardemment la face de Dieu. Nous avons la grâce d'accueillir d'éminents hommes de Dieu, le pasteur Trésor Fanouane, l'apôtre Hippolyphéo, l'apôtre Samuel Loutre, le docteur David Kadeba, le docteur Luc Moutéba, sous la conduite de notre hôte, le reverend pasteur Désiré Mbari. Du 23 novembre au 28 décembre, chaque jour à partir de 7h. Église de Dieu, ne manquez pas ce rendez-vous divin. Aujourd'hui, accueillons avec joie l'orateur du jour, le pasteur Trésor Fanouane. Mulima 30, votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Donc voilà les orateurs qui vont travailler dans notre programme de Mulima 30. Alors avant de continuer, j'aimerais qu'on adore le Seigneur pendant un court moment. Avant que je n'invite l'orateur de ce soir, l'homme de Dieu que je vous le présente particulièrement. Est-ce que Maman Gloire peut chanter Kolo Linginga Mingi pendant... voilà. On va adorer le Seigneur avec ce cantique. Recommande-toi au Seigneur, recommande ton cœur au Seigneur. Nous sommes déjà en plein dans notre programme. Le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oui, élève ta voix, commence à bénir le Seigneur ce soir. Souviens-toi, d'où est-ce que le Seigneur t'a tiré, bien-aimé. Alléluia.

C'est le pasteur Trésor qui nous parle pendant toute la semaine. Alors, Église, lèvons-nous pour accueillir l'homme de Dieu. Pendant qu'il s'approche, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Programme qui vient de toi. Nous prions afin que tout ce qui va être dit en ces lieux soit pour ta gloire. Père, je prie afin que tout genou fléchisse, que toute langue reconnaisse que Jésus est Seigneur, que quiconque viendra en ces lieux rencontre Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, parle à ton peuple, révèle ta parole et glorifie Jésus. C'est ma prière élevée de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Je n'entends pas bien. Je disais, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Sante buona. Je rends grâce à Dieu qui me permet d'être ici au milieu de vous. Namshukuru Mungu aniruhusu nikuwe hapa katikati yenu. Afin de pouvoir apporter la parole du Seigneur. Ili nileteko neno lake buona. Dans ce merveilleux programme Mulima 30. Katika matengenezo mzuri kabisa ya Mulima 30. Il a voulu que je sois participant. Alipenda na mimi nizurie kwa kazi. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais j'aimerais aussi dire merci à l'ange qu'il a établi en cet endroit. L'homme de Dieu, Papa Désiré. Oui, c'est vrai, Dieu voulait que je sois là, mais il a été sensible aussi. J'aimerais dire merci. Merci, pasteur. Et je dis également merci à maman pour le leadership de qualité que je vois en cet endroit. Est-ce qu'on peut apprécier les parents de la maison? Oh, est-ce que c'est comme ça qu'on acclame les parents? Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux juste les amis de la technique, aidez-moi à avoir un bon retour pour que je ne crie pas trop. J'ai 8 interventions, donc il faut que je puisse bien économiser la voix. Surtout les retours qui sont là pour que... Va avec cette force que tu as. Quel merveilleux sujet. Va avec cette force que tu as. Avant d'aller plus loin, laissez-moi introduire cette semaine en déclarant. Dieu ne dit pas va avec cette force que tu auras. Cette force, tu l'as déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit à 10 personnes, c'est déjà en toi. Cette force est déjà en toi. Va avec ça. Et fais des exploits avec ça. Au nom de Jésus. Je vous propose Juges chapitre 6, verset 1 à 16. Juge. Chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Alors pour économiser en temps, je vais aller seul. Papa, le nom c'est comment? Le nom. Papa Norbert. Papa Lambert. Norbert. Lambert. Norbert. Norbert. Amen. Voilà, j'aime toujours connaître le nom de l'interprète. Est-ce Amen. Qu'on peut encourager Papa Norbert? Amen. Papa Norbert, qui n'est intimide pas, va avec la force que tu as. Amen. Dis à ton voisin, va avec la force que tu as. Alors je vais lire seul pour qu'on gagne en temps. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians. Il faut souligner ça. L'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur le rocher, fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Ces informations sont très importantes parce que je vais commencer à développer ça à partir de mardi. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenaient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'ai 3 points à vous proposer dans toutes mes interventions. Aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'une introduction, je vais poser le fondement. Je ne parlerai pas directement de Gédéon. J'aimerais vous replacer dans le contexte dans lequel il se trouve. J'aimerais vous replacer dans le contexte dans lequel se trouve Gédéon. Peut-être que je donnerai quelques informations sur lui, mais c'est vraiment à partir de demain et mardi que je vais rentrer dans le vif de ce chapitre. Alors notez ce petit canevas qui nous servira de guide. Premier point. Bref aperçu du temps des juges. Bref aperçu du temps des juges. Ça sera mon point d'introduction. Gédéon qui nous concerne a vécu pendant la période des juges. Si ma mémoire ne me trahit pas, Gédéon est le cinquième juge en Israël. Il y en a eu plusieurs. Le tout premier s'appelait Othniel. Il y a eu Gédéon, Samson. Il y a eu aussi Déborah, Jephté. Jephté. Au moins 14 juges. Je vais essayer de donner un peu une idée de ce qui caractérisait cette période des juges. Deuxième point. Nous allons maintenant voir les juges Gédéon. Les juges de Gédéon et ses défis. Quels sont les défis que le juge Gédéon était appelé à relever? Et je bénis Dieu parce qu'à chaque défi, Dieu répond par une réponse, par une stratégie. Et je bénis Dieu parce que la stratégie de Dieu, c'était juste un seul homme. Ce soir, s'il y a juste un seul homme, toute l'armée de Madian va tomber. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Le Dieu que je vous prêche n'a pas besoin d'un grand nombre. Un seul avec Dieu suffit pour faire la différence. Si l'humanité a été déviée à cause du péché d'un seul, il a fallu à Dieu aussi un autre, un seul, pour que l'humanité soit justifiée. Par le péché d'Adam, la race humaine s'est retrouvée dans les problèmes, et par l'acte de justice de Jésus-Christ sur la croix, le salut et la justification ont été étendus. Pasteur Désiré, Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais moi, je n'ai pas prié pour vous. Moi, j'ai prié pour toi. Parce que si toi tu t'es converti, tu affermiras les autres. Il y a un Simon ici que Dieu va affermir afin que par lui, que toute la ville de Likasi soit affermie. Où est cette personne à qui je parle? Je suis venu chercher des Gédéons. Ils n'ont pas beaucoup, mais ils n'ont que Dieu. Il est seul, mais il n'a que Dieu. Le problème avec nous, c'est que nous pensons que les moyens de Dieu, ce sont des choses matérielles. Les moyens de Dieu, ce sont des choses fortes. Non, le moyen de Dieu, c'est un homme. Et si tu es un homme, je parle homme avec grand H, tu peux être homme ou femme. Si tu es un homme disposé, Dieu passera par toi afin d'accomplir de grandes choses. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un? Je dis si tu es disposé. Je ne dis pas si tu es né d'une grande famille. Je ne dis pas si tu disposes de grands moyens. Non, la Bible dit la foi, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ça veut dire que la foi est le seul moyen dont tu as besoin pour faire des exploits. Ça c'est Gédéon. Oui, on en parlera, ne vous en faites pas, je vous donne juste une petite idée. Et le troisième point, c'est là où je vais rester longtemps. Ça sera pratiquement le point fondamental de mon exposé. Quatre dimensions de la force de Gédéon. Gédéon est pour nous comme un échantillon. Donc lorsque je parle de Gédéon, je ne parle pas que de ce Gédéon de la Bible. Gédéon ça peut être toi, Gédéon ça peut être moi. Nous allons voir quatre dimensions attachées à cette force. Je peux déjà vous le donner. On le développera. Je parlerai de la dimension personnelle de la force de Gédéon. Deuxièmement, je parlerai de la dimension prophétique de la force de Gédéon. Troisièmement, je parlerai de la dimension surnaturelle de la force de Gédéon. Et enfin, je parlerai de la dimension mentale de la force de Gédéon. Voilà les quatre dimensions que je toucherai déjà à partir de mercredi jusqu'à la fin. Alors commençons avec le premier point. Bref aperçu du temps des juges. Parce que notre sujet, qui est tiré des juges 6:14, va avec cette force que tu as. C'est ce que l'ange va dire à Gédéon. Mais Gédéon vit quelle période? Gédéon vit dans quel contexte? Gédéon fait face à quel défi? Qu'est-ce qui se passe au temps de Gédéon? C'est ça ma première réflexion ce soir. Bref aperçu du temps des juges. Juges chapitre 17 verset 6. Juges 21 verset 25. Juges 21 25. Juges 19 verset 1. Juges 19 1. Ruth 1 1. Ruth 1 1. Alors, commencez à bien me suivre. Parce que je vais faire une petite gymnastique pour vous faire comprendre ce qui se passe au temps de juges. Juges 17, 6. Juges 21, 25. Juges 21, 25. Juges 19, 1. 19, 1. Ruth 1, 1. Ruth 1, 1. Je vais lire. Ta son matin. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est juste 17:6. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est juste 21:25. Juste 21:25. Dans ces temps où il n'y avait point de roi en Israël. Ça, c'est juste 19, verset 1. Juste 19, 1. Du temps des juges. Ça, c'est Ruth, chapitre 1, verset 1. Ruth 1, 1. Du temps des juges. S'il y a une expression qui est comme l'expression phare du livre des juges, c'est cette phrase du temps des juges. Par exemple, si vous voulez résumer le livre ou l'évangile selon Marc, en un seul mot, c'est le mot aussitôt. Parce que Marc présente Jésus comme le serviteur. Et un serviteur, on ne le reconnaît pas par le discours. Un serviteur, on le reconnaît par l'action. C'est pourquoi l'évangile de Matthieu est dominé par le discours. Mais celui de Marc est dominé par l'action. Pour voir un miracle dans Matthieu, il faut attendre à peu près 7 chapitres. Parce que Matthieu 1, généalogie de Jésus, Matthieu 2, naissance de Jésus, Matthieu 3, baptême de tentation, non, baptême de Jésus, Matthieu 4, tentation de Jésus, Matthieu 5, serment sur la montagne. C'est vers Matthieu 6 ou Matthieu 7 que Jésus va guérir un sourd. Mais quand vous ouvrez Marc, déjà dans Marc 1, Jésus à Capernaum, et il commence à guérir. Il guérit la belle-mère de Pierre. Il a fallu 6 chapitres pour Matthieu, mais il a fallu un seul pour Marc, parce que Marc, c'est l'évangile de l'action, alors que Matthieu, c'est l'évangile de la parole. Parce que Matthieu voit Jésus comme le roi. Et le roi, on le reconnaît par la force de la parole. Et le mot qui résume Matthieu, c'est royaume ou royauté. Le mot qui résume Marc, c'est aussitôt. Je vous donne cet exercice pour que vous compreniez que chaque livre de la Bible peut être résumé. Soit par une phrase, soit par un mot. Et le mot qui correspond à Marc, c'est aussitôt. J'ai toujours dit, Papa Norbert, dis-moi, papa, s'il fallait tourner un film sur Matthieu, le film sur Matthieu serait un long métrage. Voyez, quand on allait au cinéma, les longs métrages, ça nous ennuyait. Mais s'il faut tourner un film sur Marc, l'évangile de Marc serait comme un film d'action. Comme Rambo. Comme le film que je vois, le film des Chinois. À peine le film commence, quelqu'un regarde un autre et puis bam, pijama, à l'occasion de rien. Action sur action. Comment Matthieu termine? Matthieu termine en disant, allez, faites de toutes les sortes de disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et les enseignants, tout ce que je vous ai prescrit. C'est bon parce que c'est le roi qui parle. Mais comment Marc finit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains malades et les malades. C'est le même Jésus, mais avec deux aspects différents. Chez Marc, il apparaît avec la parole. Non, chez Matthieu, il apparaît avec la parole. Mais chez Marc, il paraît avec l'action. J'annonce à quelqu'un, il y a un Dieu où, il y a un temps où Dieu parle. Il y a un temps où Dieu parle. Mais il y a aussi un autre temps où Dieu descend. Il récupère sa parole. Et sa parole commence à agir. Je lève ma main, je déclare. Pendant Mouli ma 30, vous allez vivre les effets de la parole. Oh, les actions de la parole dans chaque aspect de votre vie. Maintenant, Luc, lui voit Jésus comme un homme. Jean, Yohane, il voit Jésus comme Dieu. Je n'ai pas le temps d'en parler. Parce que je parle de juge. Hébreu, on peut le résumer par un seul mot. Meilleur. Parce que Hébreu met côte à côte deux systèmes sacerdotaux. Il y a d'un côté, le système sacerdotal selon Aaron. Et de l'autre côté, il y a le système sacerdotal selon Christ. Et Hébreu nous montre que Christ est supérieur à Aaron, supérieur à Moïse. Parce que dans les sacerdoces aaroniques, il fallait tuer des boucs pour que les péchés soient couverts. Mais dans le système de Christ, il est lui-même et le prêtre et l'offrande et le sacrifice. Il est mort une seule fois pour toutes, non pas pour couvrir nos péchés, mais pour les enlever définitivement devant Dieu. Les boucs d'Aaron mouraient mais ne ressuscitaient pas, parce que la mort nous sauve, mais c'est la résurrection qui nous justifie. Mais Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, et trois jours après il est revenu à la vie. Ce qui veut dire, tous ceux qui sont dans ce système, ils sont justifiés devant Dieu. Mais nous parlons du temps des juges. Qu'est-ce qui caractérise le livre des juges? Comment je peux résumer? En un mot, en une phrase, si Marc peut être résumé par le mot aussitôt, si Hébreu peut être résumé par le mot meilleur, Christ étant meilleur à tous les héros de l'Ancien Testament. Le temps de juge peut être résumé par le mot instabilité. Ou si vous voulez, crise. C'est ça qui caractérise le livre des juges. Comment je le sais? La phrase clé de ce livre dit, du temps des juges. Hein, Papa Norbert? Oui, papa. Du temps des juges. Il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce que Dieu avait dit. Ce que le roi avait dit. Mais comment les gens vivaient du temps de Jésus? Chacun vivait. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Pourquoi? Parce qu'il y a crise de leadership. Parce qu'il y a instabilité à tous les niveaux. Il y a instabilité sur le plan politique. Il y a instabilité sur le plan spirituel. Il n'y avait point de roi. Les gens se débrouillaient. Chacun faisait ce que bon lui semblait. C'est dans un tel contexte que Gédéon est venu, que Samson est venu, que Déborah est venu, que tous les juges sont venus. Va avec cette force que tu as. C'est une phrase qui est donnée dans un contexte d'instabilité et de crise. J'aime Dieu. Les temps de crise sont les temps de Dieu. Sur la terre, quand il y a crise, les hommes pleurent. Mais au ciel, quand il y a crise, un livre s'ouvre parce que la délivrance est en train d'arriver. Donnez-moi un bon amen, je vais prêcher. Sur le trône, vous savez qu'il y a combien de vieillards autour du trône? Combien? 24. Mais j'en ai découvert 25. Posez-moi la question. Pasteur Trésor. Pasteur Trésor. C'est qui le 25e vieillard autour du trône? Au fait, basi, il y a 24 vieillards autour du trône. Et puis il y a Jean qui vient de la terre, qui est invité au ciel. On lui dit monte ici. Et quand Jean monte, il n'est pas jeune. Il est déjà vieux. Jean est le 25e vieillard. Maintenant écoutez, le vieillard qui vient de la terre, il assiste à une crise au ciel. C'est quoi la crise? Il n'y avait personne qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Il y a crise parce qu'il n'y a personne. Le vieillard qui vient de la terre, il amène les habitudes de la terre sur au ciel. Il fait quoi? Jean dit, et j'ai pleuré beaucoup. Parce que sur la terre, quand on te dit il n'y a personne pour te payer les frais, on pleure beaucoup. Sur la terre, quand on dit ton fiancé a fui, on pleure beaucoup. Le réflexe de la terre, c'est de pleurer au moment de crise. Mais le réflexe du ciel, c'est de regarder au trône quand il y a crise. L'un des vieillards a dit, oh, sans ne pleure pas. Chez vous là-bas sur la terre, vous pleurez quand il n'y a personne. Mais dans cette atmosphère, nous on ne pleure pas. Pourquoi? Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre le sceau. Quand il vient au trône, il ne voit personne. Il ne savait pas que sur le trône il y avait quelqu'un. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Jean dit, et je vis un agneau comme immolé. Papa Norbert, oui, papa. L'un des veillards a dit c'est le lion. Mais celui qui vient ouvrir le livre, c'est pas le lion. C'est un agneau. Dis avec moi, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. En temps de crise, il n'y a que la sagesse de Dieu qui peut vous dépanner. Pourquoi Dieu a évité le lion? Mais il a sauvé par l'agneau. Parce que Satan peut rôder comme un lion rugissant, mais il ne viendra jamais à agneau. Satan a entendu la première prophétie concernant Jésus. La prophétie dit, toi, tu blesseras son talon, mais la postérité de la femme écrasera ta tête. Contre le lion et l'agneau, qui a le pouvoir d'écraser? C'est le lion. Donc Satan Satan a pris la forme d'un animal qui écrase. Parce qu'il savait, pour que moi, je ne sois pas écrasé, il faut que je ressemble à peu près à un lion. Or, il ne savait pas, ce n'est pas la force du lion qui va racheter l'humanité. C'est la faiblesse d'un agneau. C'est le caractère inoffensif de l'agneau. C'est le silence de l'agneau qui va sauver l'humanité. Isaac ne cherchait pas les lions. Quand il monte sur la montagne, il dit: Père, je vois le feu. Père, je vois le bois. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Il faut attendre le Nouveau Testament. C'est Jean-Baptiste qui va dire: Isaac, sois tranquille. Ézéchiel n'est pas l'agneau. Jérémie n'est pas l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau n'est pas de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a le bouc, il y a le bélier. C'est pourquoi Abraham, quand il lève les yeux, il voit un bélier, mais par derrière, parce que l'agneau est devant. Alléluia. Je suis venu vous dire, au ciel il n'y a pas de crise. Même quand on dit il n'y a personne, au ciel il n'y a pas de crise. Il y a crise sur la terre. Jean a pleuré. Il a pleuré beaucoup. Mais au ciel, là où Jésus règne, il y a toujours une solution. Là où Jésus règne, il n'y a jamais de crise. Voici la bonne nouvelle. J'ouvre ce séminaire en annonçant à quelqu'un: ce n'est pas en vain que Dieu t'a gardé en vie en ces temps-ci. On dit crise au pays, on dit crise en famille, on dit crise dans les institutions. Les temps de crise sont les temps de Dieu. Va avec cette force que tu as. C'est dans un temps de crise, c'est dans un temps où il n'y a rien, c'est dans un temps où les choses sont compliquées. Les temps de crise, c'est le temps de Dieu. Papa Norbert. Oui, papa. Alléluia. Josué 1. Josué 1. Verset 1. Dit ceci. Il a ses mains ici. Après la mort de Moïse, qui se couvre comme ça, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nun, Moïse est mort. Moussa anafariki. Regarde ton voisin, dis-lui, Moïse est mort. Angalia pembeni akumwambie Musa anafariki. Moïse est mort. Musa anafariki. Je ne sais pas si vous comprenez ça comme Josué. Si tu comprends comme Josué. Rentrez dans la peau de Josué. Ingia ndani ya Josué. Moïse est mort. Musa alifariki. Signifie ceci. Mana yake hivi. C'est maintenant à toi. Isasa wewe de prendre la direction du peuple. Oh Moïse, c'est pas n'importe qui. Hana mutu yote. Ma soeur, c'est facile de remplacer un perdant. Mais c'est très difficile de remplacer un champion. Upate kukombola ule mumbingwa. Hey, tala. Hey, angalia. Omoni soki ba ponio esika ba l'échec. Uone kama bana kuchakula fasi bale balishinda. Ato suite. Ata upate kitu. Et c'est un pour les premiers balaisés qui a su gagaté. Ça va vous le montrer quoi en disant kitu. Mais on te dit. Ça c'est manakwambi. Moïse est mort. Musa nafariki. Maintenant c'est toi. Ça c'est le wakati yako. C'est comme si on te dit. Ni kamara kwambia. Prends le numéro 10 après Lionel Messi. Kamata numéro 10 qui sia Lionel Messi. Et puis à Barcelone. Tena kule ko Barcelone. Heureusement Pétion Gazo s'est débrouillé pour moi bien. Moïse. Musa. Papa, Moïse. Baba yangu, Musa. Regardez d'abord quand il est bébé. On l'a mis dans une corbeille. Bali mueka ndani ya kitunga. On l'a jeté. Bali mutupa. Sans défense. Bila ukingo. La corbeille de Moïse est en train de nager. Kitunga kile kilikuwa kitembea pa maji. De parcourir le fleuve. Kikuwa natembea juu ya mto. C'est un bébé. Yeye ni mtoto mchanga. Qui n'a pas de défense. Ana na ukingo. Pendant qu'il crie. Wakati analamika. Inga. Eko nalia. Il y a un crocodile. Kuna kuya ba mamba beko. Qui sort des eaux pour il, le crocodile entend le cri. C'est quelle nourriture qui vient le matin? Au moment où le crocodile est sur le point d'ouvrir la bouche, il y a une main invisible qui arrête la gueule du crocodile, parce que l'enfant qui est dans la corbeille, il va sauver Israël. Et puis Quand Moïse traverse le crocodile, il y a un serpent qui entend aussi le cri de Moïse. Le serpent vient pour piquer Moïse. Mais il y a une main invisible qui arrête la gueule du serpent parce que l'enfant qui est là a une destinée glorieuse. Et puis, au moment où la corbeille de Moïse arrive quelque part, dans cette corbeille, il n'y a pas de boussole. Dans cette corbeille, il n'y a pas de gouvernail. Dans cette corbeille, il n'y a même pas de capitaine. Mais comment la corbeille de Moïse est retrouvée chez Pharaon? La fille de Pharaon est sortie. Elle a laissé la douche. Elle est sortie au fleuve. Et elle voit la corbeille. C'est ce qui va se passer. Il y aura croisement entre toi et ton miracle pendant mon matin. J'annonce à quelqu'un, dans les jours qui viennent, ça ne sera pas le hasard. Tu seras au bon endroit. Tu rencontreras la bonne personne. Le Seigneur va susciter des gens qui viendront en ta direction. Et puis la fille de Pharaon récupère Moïse. Maintenant écoutez, qui a nourri Moïse? Qui a allaité Moïse? Sa maman, hein? Na franga ya nani? Qui a payé la maman de Moïse? Parce que la fille de Pharaon dit à sa sœur Myriam, cherche-moi une nourrice. Qui a payé? Et si bon, mon maman a moana? On appelle ça dépannage spirituel. Omoni soki nzamba linga sunga yo. Kama Mungu anapenda kusaidie. Ata Mungu nanu akobokola yo. Ata dui yako inza kusaidia. Même ceux qui ne t'aiment pas. Ata bala bakupenda. Dieu va se servir d'eux. Mungu atawatumia. Pour que tu puisses avancer. Ili uendelee. La maman de Moïse est payée par le système de Pharaon. Mama yake Musa bana mulipa. Je sais pas combien. Mais à cause de Moïse. Quand Dieu fait grâce, il peut changer l'ordre des choses. Maintenant écoutez. La maman de Moïse est payée à cause de qui? Mama yake Musa anamlipa juu ya nani? Son fils. Juu ya mtoto yake. Son fils a quel âge? Mtoto yake ana umri ya miaka gani? 0 hein? 3 mois hein? Miezi 3. Est-ce que moi na 3 mois biko réciter les corbeaux et les renards? Mtoto wa 3 mois atafanya mambo ya sasa corbeaux et renards. Atapata certificat. Comment moi na 3 mois? Je mtoto wa miezi 3. Amemi salaire na ndangu na bango. Analeta mshahara mu nyumba yao. Mais toi tu me dis pasteur. Je n'ai pas de relation pour qu'on me branche au travail. Je n'ai pas quelqu'un qui peut me brancher. Oh, vous n'avez pas besoin d'être branché par les hommes. Le Saint-Esprit va vous brancher. Papa, vous savez, quelquefois quand je lis la Bible, je suis étonné par ce que Dieu fait. Adam et Ève sont dans un temps de crise. Parce que Gédéon est suscité comme juge dans un temps de crise. Et la crise qu'Adam et Ève vivent, c'est quoi? Ils ont péché. Il y a crise spirituelle. Dieu les chasse dans Genèse 3. Et en les chassant du jardin d'Éden, Dieu place à l'entrée des chérubins avec des épées. Le rôle de ces chérubins, c'est pour empêcher Adam et Ève de revenir. Genèse 4. Genèse 4. Adam et Ève sont chassés. Adam et Ève sont chassés. La Bible dit, Adam connut Ève. Sa femme et Ève enfanta un fils et Ève lui donna le nom de Caïn. Maintenant je vous pose la question, Caïn est né où? En Éden ou en dehors du jardin? En dehors du jardin. Et quand Ève enfante Caïn, Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. J'ai envie de dire à Ève, toi on t'a chassé. De quelle aide tu parles? Et puis cet enfant, tu ne l'as pas enfanté en Éden qui est l'image du jardin de Dieu et de la présence de Dieu. Mais Ève me dit, Pasteur Trésor. Pasteur Trésor. Même si je suis en train de vivre un temps de crise. Même si Dieu m'a chassé. Avant que je ne sois chassé. Quand j'étais encore en Éden. Lui-même Dieu m'a dit. À moi et à mon mari. Soyez féconds. Dieu n'avait pas dit soyez féconds en Éden. Dieu avait seulement libéré une parole. Soyez féconds. Donc, même si je suis chassé, je sors avec la parole soyez féconds. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si Dieu a déjà dit, ça va s'accomplir. Que ce soit en Éden ou en dehors d'Éden. Que ce soit en forêt, que ce soit sur un arbre, que ce soit dans un cachot, comme Joseph. Si Dieu avait déjà dit. Et puis voici la bonne nouvelle. Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Et ils vont t'a chasser. Oui, bah, tu vas nous foutre ça. Pasteur, si Dieu peut aider quelqu'un qui est chassé. Pasteur, quand on s'est dit à mon tour, il faut que vous et moi. Wewe na mimi. Nous ne sommes pas chassés. Nous avons été acceptés. Oh, tu es à cause du sang de Jésus. Si Dieu peut aider quelqu'un qui est chassé, à combien plus forte raison? Vous qui êtes en lui, vous qui êtes dans sa présence, j'annonce à quelqu'un Dieu va t'aider pendant mon lima 30. Je ne sais pas dans quelle crise tu es. Ce n'est peut-être pas la même que Gédéon. Parce que Gédéon vivait la crise où les Madianites venaient détruire tout ce qu'ils avaient. Pendant la période des juges, il y avait instabilité. Je ne sais pas dans quelle crise tu es. Financière, matérielle, spirituelle, pas d'opportunité. Tout ce que tu commences, ça s'arrête. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Première semaine de Moulima 30. Oh, hallelujah. Dieu m'a dit, le secours viendra. Hallelujah. Le secours viendra. Le secours viendra. Dieu va vous aider. Écoutez-moi. Avez-vous déjà vu une femme enceinte? Qui a déjà vu une femme enceinte? Voilà. Mon frère. Comment tu t'appelles? Elie. Eric. Eric. Eric. D'où Eric? Une femme enceinte a combien de passeports? Oui, papa. Un seul. Oh. Mais maintenant, l'enfant qui est à l'intérieur. Ça, c'est moi qui est condamné. Pourquoi on ne lui donne pas les passeports? Passeport. C'est déjà un être vivant, non? Il monte tout. Hi. Tant que l'enfant n'est pas sorti, l'identité de la maman, qu'elle est sur la maman, la couvre. C'est quand l'enfant sort. Ni kama mtoto anazali kasa. Qu'il a un passeport. Jana kwa na passeport yake. Une femme enceinte. Mwanamke wa mimba. Quand elle se présente devant l'immigration. Anajionesha mbele ya immigration. On ne lui dit pas donne-nous aussi le passeport de l'enfant qui. Aba mulomba kseleta passeport ya mtoto kutumbo yake. Si la maman passe. Kama mama anapita. Le bébé en elle. Pale mtoto naye anapita. Voici la bonne nouvelle. Sikia habari nje. La création. Umbile. Nous a sortis de Dieu. Il est tout temps sans dernier mot. C'est pourquoi Adam a eu une identité. Dieu m'a Adam n'est pas là. Parce qu'il est sorti. Ça va aller toka. Mais quand Christ le second Adam vient. Ou quand Christ comme Adam vient. Il prend ceux qui étaient sortis. Anabebe les toka. Il les ramène en lui. C'est pourquoi nous sommes en Christ. Dieu m'a n'a tout condamné Christ. Nous n'avons plus d'identité. Notre identité. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ. Quand les démons te regardent, ce n'est pas toi qu'ils voient. C'est Christ qu'il voit. Quand les sorciers te regardent, je suis en Christ. Là où Jésus passe, moi aussi je passe. Là où Jésus arrive, moi aussi j'arrive. Il n'y a pas séparation. Il y a union. C'est pourquoi Paul dit, en Christ, Dieu nous a élus. Dieu nous a bénis. Dieu nous a ressuscité. En Christ. Voici la bonne nouvelle. La création nous a sortis. La rédemption nous a retournés. Tous ceux qui sont nés de Dieu, ils ne sont plus dehors. Alléluia. Tous ceux qui sont nés de Dieu, Dieu les a pris dehors. Il les a cachés en lui. Maintenant, votre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Donc il n'y a pas de crise. Si vous êtes en lui. Même si extérieurement, les choses sont compliquées. Croyez que vous avez une relation privilégiée. Frère Eric. Duco Eric. Jésus est avec les disciples. Ils sont dans la barque. Et la tempête est forte. Mon frère. Quand la tempête est forte. Pour ceux qui prennent les avions. Quand on signale la zone de turbulence. Qu'est-ce qu'on fait? On serre la ceinture. Mais Jésus pendant la zone de turbulence. Analala. Maintenant, comment peux-tu dormir dans une zone de turbulence? La tempête est forte. Les disciples paniquent. Le problème, c'est que Jésus et les disciples ne comprennent pas la crise de la même façon. Pour les disciples, crise égale mort. Pour Jésus, crise égale manifestation de la gloire. Pourquoi Jésus dormait? Parce que avant de venir sur la terre, il savait comment il allait mourir. Il savait qu'il mourra crucifié, pas noyé. Il savait qu'il mourra sur la croix, pas dans l'eau. Il savait qu'il mourra à Golgotha, pas dans la mer. Tout ce qui n'est pas Golgotha, même si c'est une tempête, c'est une occasion de dormir. Parce que Dieu n'a pas dit qu'il mourra noyé. Il est prévu qu'il meure crucifié. Voici la bonne nouvelle. J'annonce à quelqu'un pendant Moulima 30. Même si on te dit cancer, dis-toi, cette maladie, c'est pas pour que je sois enterré. Cette maladie, c'est pour que la gloire de Dieu. Donne-moi un amen et je vais prêcher. J'annonce à 10 personnes. Déjà ce soir, que la gloire de Dieu commence à se manifester. Je ne connais pas ta crise. Je ne connais pas l'instabilité que tu vis. Mais comme Gédéon, c'est dans ce temps de crise que la force va être manifestée. Que la force va être manifestée. Que la puissance va être manifestée. Écoutez. Ce qui est dit ça. Élisée est mort. Élisée n'a fariki. Il est enterré. Anazikwa. Une année après. Kisha mwakamoja. Papa dit que la Bible est la relengi. Biblia ni kaka mutamu kabisa. On allait enterrer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bariyanja kushika muntu le hamuyu. Besa kumbeba. On ne le connaît pas. La Bible n'a pas donné son nom. C'est un inconnu célèbre. Mais on allait l'enterrer. Pendant qu'on allait l'enterrer, quelque chose s'est passé. Sauf qui peut. Les porteurs se sont dit. Ils ne l'ont pas déposé. Quand on enterre, on ne jette pas. On dépose. Mais ce qui s'est passé, il n'a pas donné le temps de déposer. On l'a jeté. Vous savez, quelquefois, quand on vous jette, c'est l'occasion pour que Dieu vous ressuscite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle pas de déposer. Je parle de jeter. Est-ce qu'il y a des gens qu'on a jetés ici? Est-ce qu'il y a des gens qu'on a jetés ici? Oh, ça me dit. Quand tu jettes, c'est pas un problème. Mais tu tombes où? En les jetant. En les jetant. Cosinus, sinus, trajectoire, fonction exponentielle. Cinématique. Oh, cinématique. Tout ce que vous voulez en physique. Ça a pris. Mouvement. Ça l'a amené où? Paf! Sur les ossements d'Élisée. Maintenant, écoutez-moi. Ça m'a mis KO. Cet homme qu'on a jeté, on ne le connaît pas. Dieu n'a rien dit sur lui. Il n'y a aucune promesse. Dieu n'a rien dit. Un n'est qu'inconnu. Maintenant, il tombe sur les os de qui? Élisée. Qu'est-ce que Dieu a dit sur Élisée? Dieu a promis à Élisée qu'il aura la double portion de l'esprit d'Élie. Ça veut dire, si Élie a fait 7 miracles, Élisée en ferait 14. Si Élie a fait 10 miracles, Élisée en ferait 20. Ça, c'est la promesse. Maintenant, au moment où Élisée meurt, il y a une dernière partie de la promesse qui n'est pas accomplie. Le dernier miracle. Le dernier miracle était dans le cimetière. Élisée est déjà mort. Mais on avait dit double portion. Le dernier miracle était en train de circuler. Et pendant que dans la tombe d'Élisée, le miracle circulait, l'homme qu'on ne connaît pas, on allait l'enterrer. Et puis quand on l'a jeté, il est tombé sur Élisée. Pasteur, cet homme est ressuscité. À cause des promesses de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à lui qu'on avait dit double portion. On avait dit Élisée. Mais Babou qui est? Il tombe sur Élisée. Ce qui fait que ce qui devait se faire dans la vie d'Élisée s'est fait dans les cadavres de cet homme. Maintenant imaginez la scène. Eric Yaga Yaga. Eric Yaka Kuya. Donc, ils étaient quatre. Venez à Caribien, nous Caribien. Quatre. Oui, viens. Donc, ngande boango kunde. Minjo wenda kushika sasa. Bobo ganga. Hata ngoni tupa sasa. Oye, bobo ngate na opesi. Mshongobe tu Mr. Nguka. Donga sina dai. Nisa. J'étais bobo ganga ndinga solo tena hotel. Ah. Bosa ka mouvement. Maintenant il me jette. Mais ni tupa tini. Maintenant commencez à courir parce que Koulou n'est pas là. Bitumba, sauf qui peut. Maintenant, quand cet homme touche les eaux d'Élisée, il revient à la vie. Maintenant, vous fuyez. Oh, Eric, attendez-moi. Oh, celui qu'on avait jeté, à peine 10 minutes, il est revenu à la vie. J'annonce à quelqu'un, la crise peut être une stratégie de Dieu pour te ramener dans la course. Oh, ça parle à quelqu'un. Tu rentreras dans la course. Et si l'inanouté, je ne sais pas qui t'a enterré, je ne sais pas qui a clôturé l'histoire de ta vie, ce n'est pas fini. Tu vas les avancer. Tu vas les défoncer. Mais maintenant, l'état Eric et les autres, ils cherchent à comprendre. Mais comment celui qu'on a jeté est revenu? Quand ils se posent des questions, je les ai dépassés. Dépassés en Swahili, c'est quoi? Dépassés. Ah, bali, mambo ni mapita. Ah, ils ont ma case. Les temps qui cherchent à comprendre. Comment tu t'es marié? Comment ton ministère progresse? Comment toi aussi, tu commences à avoir du poids? Pendant qu'il se pose des questions, toi tu vas les dépasser. J'annonce à quelqu'un, avec Dieu, ce n'est pas fini. Je dis ça à 15 personnes. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas ses promesses. C'est les promesses de quelqu'un d'autre. Mais ça les ramène dans la course. Je ne sais pas comment on appelle ça en Swahili. J'ai des dames. Ah, j'ai des dames toujours. J'ai des dames toujours. J'ai des dames. Bah, tu vas bien ta dame, bazar. Bah, les banzaka madame, ben quoi pas? Dame, hein? Je vais te banzaka madame. Au moni. On en a ça. Nous, on avait un vieux au quartier. Tu vois, namukwa moyo mu quartier yetu. On l'appelait Bokoa. Tu vois, namuita Bokoa. Bokoa. Bokoa. Quand on joue aux dames. Kamana tsa na dame. Il peut commencer à te donner des pions. Anando pacha ma pion, nanza kulia. Bam. Et puis des fois, on dit, ah, qui ça ressemble? Tu es en train de gaspiller des pions. Et puis il y a un pion stratégique. Il garde toujours à la fin. Nous on appelle ça kochune. Quand il te donne ça, il se lève. Ah, mambo, il dit aux gens, match est signé. Oh, match naisha. Parce que. Le temps que toi tu manges, tu te rends compte, on est comme pion wana. Il est pion yake. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Pion et bimaki. Il toka. Bazongi siango. Et puis matin à Mukongo. Et comme ma kolomilai. C'est ce que Jésus fait. Toi qu'on avait disqualifié. Quand Jésus meurt, il te prend. Il te met sur ses épaules. Au comme ma kolomilai. Là où Jésus passe, toi aussi tu passes. Les pas des géants que Jésus fait, toi aussi tu le fais. Je suis venu dire à quelqu'un, les temps de crise sont les temps de Dieu. Si cet homme est tombé sur les ossements d'Élisée, les ossements d'Élisée lui ont redonné un avenir, un espoir, une destinée et une vie. Toi et moi, nous ne sommes pas tombés sur Élisée. Élisée est mort, Elisa, il n'est pas ressuscité. Agufufuka. Toi et moi, na mimi, nous sommes tombés sur un homme sur qui il a été dit. Toutes les promesses de Dieu yote ya Mungu sont oui et amen en Jésus-Christ. Si les promesses d'Élisée ont amené la vie à quelqu'un, nous on est tombés non pas sur les promesses mais sur la parole faite chair. J'annonce à quelqu'un, nous sommes tombés sur Christ, mort avec lui, enseveli avec lui, ressuscité avec lui. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Même si tu penses que c'est fini, ce n'est pas fini. Pendant Moulima 30, il m'a dit de vous dire, la force se manifeste dans un temps de crise. Papa, Baba, une force qui te manifeste quand tout va bien, ça ne sert à rien. C'est pourquoi nous, dans les quartiers où on a grandi, quand les gens nous voient prêcher, c'est un miracle. Parce qu'ils savent dans quel contexte on a grandi. Papa, c'est le léopard. Quand on va nous voir à la Coupe du Monde, et à Marambasoma. Mais si l'Espagne, comme Espagne, va à la Coupe du Monde, et à Coupe du Monde, et à Norman, Iko Muzuri, Iko Kawaida. Si la France, comme France va à la Coupe du Monde, la Coupe du Monde et à normal, Iko Kawaida. Mais si la RDC, comme RDC va à la Coupe du Monde, la Coupe du Monde et à normalité, a normal, et à normalité. Et je suis venu vous dire, Moulima 30, 30, c'est la saison des choses qui ne sont pas normales. Ce qui va t'arriver, ce n'est pas normal. C'est des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Marie, Myriam, Marie, Myriam reçoit une promesse. Dieu lui dit, tu seras enceinte. Utapata mimba. Tu enfanteras. Utazana mutoto. Le même Gabriel, paka Gabriel moyamoe, a dit à Zacharie, alimwambia Zakaria, ta femme, mke wako, sera enceinte. Atapata mimba. Maintenant, sasa, la parole que Zacharie reçoit, ile neno Zacharie anapokea, est normal. Iko kawaida. Pourquoi? Dieu yanini? Parce que dans le passé, il y a déjà eu Abraham, avancé en âge, à qui Dieu a donné un enfant, par Sarah. Donc, ce que Dieu dit à Zacharie, ce n'est pas nouveau, c'est une répétition. Maintenant, Marie, on lui dit, tu vas donner naissance sans un homme. Bila usaidizi ya mwanaume. Dans le passé, wakati ya kale, il n'y a jamais eu ça. Ile mambo yafanikaka. Il y a normalité. Akule habiendeke mzuri. Dieu fait l'histoire de deux manières. Mungu anafanya hizi kwa hali mbili. Soit il répète. Wala anarudia mwa zamani. Ce qui existe déjà. Ili fanikaka zamani. Soit wala il commence. Ananja. Ce qui n'a pas existé. Bila habia kuwaka. Est-ce que c'est par la Zacharie? Oh, nasema na Zakaria. Ne t'en fais pas. Ce que Dieu t'a dit, Abraham a déjà vu ça. Est-ce que je parle à Marie? Il n'y a personne dans ta famille. Ça va commencer avec toi. Le Dieu de la Bible peut recommencer. Mais le Dieu de la Bible peut aussi commencer. Alors ce soir, je suis venu chercher des gens avec qui Dieu va commencer des choses nouvelles, des choses glorieuses. Et quand Zacharie donne naissance, il dit, Jean est son nom. On lui dit, dans votre famille, personne ne s'appelle Jean. Et bandit le lot. Parce que quand je préparais ce moment, Dieu m'a dit que le peuple vienne avec une grande foi. Alléluia. Nous sommes dans un rendez-vous du surnaturel. Où Dieu fera des choses qui ne sont pas normales. Je vais finir. Ça j'aime. Jésus a laissé combien d'apôtres? Il a laissé 11. Parce que le 12e c'était Judas. Il s'est pendu. Maintenant il fallait remplacer Judas. Il est passé comme Judas. Qui a remplacé Judas? Matthias. Donc nous avons 12 apôtres. D'ailleurs, sur le fondement de la nouvelle Jérusalem, il y aura les 12 tribus et les 12 apôtres. C'est-à-dire que l'Isa Bapote a clôturé dans combien? Combien de personnes? 12, hein? Si quand Paul, ça, Paulo, il écrit aux Romains, Aruma, Paul, Paulo, apôtre de Jésus-Christ, non par la volonté des hommes, mais par Dieu. Mais Paul, oui, Paulo, on a déjà clôturé, on a déjà dit 12. Paul me dit, Gana n'a pas sa chiffre été. Mimi spendo kufata ile. Nazaka apôtre. Mimi ko paka mutume. Soki bogobenga nga 13e. Kama mutanita 13e. Si je serai 14e. Mutaka 14. Et talibino. Ile na miangalia. Gai. Mi. Naka apôtre. Niko paka apôtre. Voici la bonne nouvelle. On a dans la nouvelle alliance. On n'a pas besoin de tuer les gens. Tuangalia kutoba. Oh, pas toi kufa na zo place d'ailleurs. Mutoka kufa fois yake hapana. Oh, celui là a kufa na koma. Laisse-le. Dieu va seulement te prendre. Il va te placer au-dessus de eux. Joseph n'a pas dérangé Potiphar. Dieu a seulement pris Joseph. Il l'a élevé au-dessus de Potiphar. Voici ce que j'ai dit à quelqu'un. Ton chef sera seulement chef. Mais parce que Dieu veut te faire grâce, on va te créer un poste qui n'existe pas. Mais je suis dans la Bible. Avez-vous déjà vu quelqu'un qu'on a pris au travail pour jouer de la harpe avec les mauvais esprits partout? Moussa l'a mis balé à David Yangwana. À part le fait d'être berger, on l'a pris pour jouer de la harpe. A signé T. A kwanza kusinye. A konte mbongote. A kwanza kusabia feza. Musala David. Kazi ya Daudi. A bengana milimu mabe. Anza kufukuza mapepo mchafu. Donc ne soyez pas étonné. Usishanga. Vous entendrez un jour pasteur trésor. Mutasikia siku moja pasteur trésor. Conseiller spécial aux Nations Unies chargé de détection des démons. Alléluia. Omoni oso seka. Unaona anza kuseka. Les anormalités. Aina kawaida. C'est ça mulima 30. Yo mulima 30 ni ile. Avez-vous déjà entendu? Mulisa kusikiaka. Eric. Eric, chargé aux Nations Unies. Chargé quoi, Nations Unies? Dans la région des Grands Lacs. Katika ma mbale ya mkubwa kabisa. Local job description. Chaque matin. Kila siku asubuhi. Il va seulement commencer à chanter avant les réunions. Attendre kuimba mbele ya mkutano. Kudo. Et en constitution té. Mais quand Dieu veut faire grâce, il va tailler un poste. Il va tailler un critère qui correspond à vous. Regardez les critères de David. Les serviteurs disent à Saül, je connais un homme, un fils d'Isaïe. Il sait jouer de la harpe. Ça, c'est ce qu'on cherchait. Parce qu'on avait besoin de quelqu'un qui savait jouer de la harpe. Mais il ajoute, il est beau. Eko mrembo kwa uso. Il est beau. Eko mzuri kwa uso. Est-ce qu'on a besoin de beau ici? Aba wanahitaji bantu mzuri. En plus, kisa yake. L'Éternel est avec lui. Wa milele pamoja naye. Quand Dieu veut vous choisir, kama Mungu anapenda kuchakule, il va faire en sorte que atafanya namo na yote. Dans les critères généraux, katika ile mlomba, il y a un critère spécifique que vous seul remplissez pour être choisi. Ili uchakuliwe tena. J'ai fini en vous disant, namaliza kusema hivi, peu importe les crises, ingawa ukiwa yote, ayez confiance en Dieu qui vous a donné une force. Mungu aliyopatia nguvu. Est-ce que je prêche avant de finir? Papa Désiré. Baba Désiré. Moïse, quand il arrive devant une crise appelée mer rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il lève la verge. La mer rouge est dessus. Josué est son fils. Joshua, mon ami. Quand il arrive devant la même difficulté. Tel père. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène les sacrificateurs qui entrent. Et le fleuve fait quoi? Maintenant Jésus dans le Nouveau Testament. Il est devant la même difficulté. Les lacs de Tibériade. Au lieu de partager comme Moïse, au lieu de partager comme Josué, Josué n'est pas partagé. Jésus est le créateur. Il n'a pas besoin que la mer se partage. Il est lui-même le chemin. Même si la mer ne bouge pas, il va marcher sur les eaux. Et avant de partir, il nous dit: je vous ai donné le pouvoir de partager les scorpions. Hein? De partager les serpents. C'est Moïse qui partage. Moi je vous donne le pouvoir. Comme j'ai marché sur les eaux, vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions. Voici la bonne nouvelle: même si les portes ne s'ouvrent pas, laissez-les fermer, vous allez marcher sur ça. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Je ne connais pas votre crise, mais que Dieu vous donne la puissance, que Dieu vous donne la force de marcher sur ça. De marcher sur ça. Au nom de Jésus, soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, il est merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, que Dieu soit béni. Il y a des choses que Dieu veut faire. Le temps des crises, c'est le temps de Dieu. Le temps d'instabilité, c'est le temps de Dieu. Tu vis des crises, tu vis des instabilités, c'est le temps de Dieu. J'ai aimé ce que le pasteur a dit. Sans, il a amené les habitudes de la terre au ciel. Frères et sœurs, n'amène pas les habitudes de crise chez Dieu. Maintenant, on est habitué aux crises. On pense quand même chez Dieu il y a la crise. Le temps des crises, c'est le temps de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est le temps de Dieu. Dieu il a deux façons de faire, on nous a dit ce soir. Il peut répéter quelque chose. Élisée a répété les miracles d'Élie. Josué a répété les miracles de Moïse. Mais il peut aussi commencer. S'il faut répéter, Dieu va répéter. S'il faut commencer, Dieu va commencer. Oh, le Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Une femme enceinte a un seul passeport. On ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'une femme enceinte n'a qu'un seul passeport. Et Dieu nous a mis en Christ. Nous sommes en Christ. Oh bien-aimé, seul le passeport de Jésus suffit. Seul le passeport de Jésus suffit. Partout où Jésus pourra passer, tu passeras aussi. Partout où Jésus peut marcher, tu marcheras aussi. Oh frères et sœurs, quelle que soit l'instabilité, quelle que soit la crise, c'est le temps où Dieu va travailler. Alléluia. Amen. Je vois ce message s'adresse à nous les Congolais. Nous les Congolais. De RDC. On a dit si l'Espagne va à la Coupe du Monde, c'est normal. C'est comme l'Espagne n'a pas la Coupe du Monde, il est na comme souris. Si le Brésil va à la Coupe du Monde, c'est normal. Comme ni Brésil, il est comme souris. Mais si la RDC va à la Coupe du Monde, c'est anormal. Dieu va faire des choses anormales devant les hommes. Loupopo devient champion d'Afrique. Vous trouvez que c'est normal? Enfin, quelque chose de Loupopo ne se fâche pas. Mais voilà la crise. Okay, oui. Et Dieu fait des choses. Oh bien-aimé, le Seigneur veut faire des choses. Sois disposé. Ukwe tout ce que Dieu demande soit disposé et que ton cœur soit tourné vers le Seigneur. Tiens-toi debout, seulement tu lèves tes mains. Ne regarde plus à la crise. Regarde à ce que Dieu va faire. Regarde à ce que Dieu va faire. Regarde à ce que Dieu va faire. Oh, merci Seigneur. Remercie le Seigneur ce soir. Remercie Dieu pour sa parole. Même en deux secondes, si c'est dans ce temps de crise, c'est une opportunité pour toi d'agir dans ma vie, de travailler dans ma vie, de faire des choses extraordinaires. Je le crois. Dieu fera des choses qui seront taillées à ton niveau. Lève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Je déclare et je décrète ce soir que le temps des crises, c'est le temps de l'Éternel pour faire des choses dans ma vie, pour faire des choses dans ma famille, pour faire des choses dans l'église, pour faire des choses avec Dieu. Père, nous te disons merci. Baba, tu n'as pas accent. La parole est libérée. Si pour les promesses d'Élisée, quelqu'un a été sauvé. Pour les promesses d'autrui. À plus forte raison pour les promesses de Jésus-Christ. Pour la Bible dit que toutes les promesses sont oui et amen. Seigneur, merci. Parce que toutes les promesses vont s'accomplir. Je ne mourrai pas. Si ta fariki, je vivrai. Ishi, je verrai la gloire de Nita Dieu. Wa Mungu. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen et acclamer? Seigneur, veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Mungu nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous donnons le programme. Demain à partir de 16h30. Venons. Kujeni. Dieu a démarré à la sixième vitesse, pasteur. On démarre même à la première, deuxième. Ils ont démarré qu'à la sixième. Hey, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Nabariki bwana. Philadelphie, c'est vraiment une école. Philadelphie, na kwa ni shule. C'est une école. Na kwa ni shule. Je vous dis. Amiambia. Que Dieu fasse grâce. Je sais que c'est pas par hasard que Dieu a permis qu'ils soient au milieu de nous. Bien aimés, soyons attentifs à ce que l'Esprit est en train de faire. À la fin de ce culte, tous les invités, tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu, les anciens, les diacres, tous les serviteurs qui sont là, nous allons nous retrouver, nous allons échanger à notre salle de fête pendant quelques minutes. Il est là aussi sur le temps de faire connaissance aussi. Nous allons passer quelques minutes, 20-30 minutes, nous échangeons avec les hommes de Dieu, avec nos invités qui sont là, avant de nous séparer. Nous allons prier. J'invite Papa Kongolo, le pasteur Kongolo. Il va nous bénir avant de partir. Nous allons prier. Tout à Omba. Seigneur de gloire, nous te sommes reconnaissants pour nous avoir attirés en ces lieux afin de nous communiquer, Seigneur Dieu, la pensée du moment. La crise trouble beaucoup de gens, au point qu'on cherche des solutions, ça et là. Mais la solution, c'est toi. Et nous croyons que pendant ce moulinement 30, la grâce va reposer sur tous ceux qui viendront, Seigneur Dieu, dans ta présence pour trouver grâce. Accepte, Seigneur, qu'en sortant de ces lieux, chacun puisse, ô Dieu, transporter, Seigneur Dieu, la substance qui a été libéré ce soir pour savoir que là où il y a l'impossible, toi tu es là pour rendre la chose possible. Que toute gloire te revienne, toi qui vis au siècle de siècles. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu ami bariki. Ça va, que Dieu vous bénisse. Mungu ami bariki. Nous invitons, nous pouvons aller directement à la salle des fêtes. Tunaweza pour kwenda mchumba karamu. Que Dieu vous bénisse. Mungu à demain. Bonne soirée. Jioni njema kwenu. Hosanna à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau.